Voilà, c'est l'intempestive. Chers amis, belles amies ou ennemis, levons nos verres à ceux qui s'en vont, tendons nos verres à ceux qui viendront, vidons nos verres à ceux du présent et saluons la vie des êtres et des choses, la vie impérissable, la vie infinie. Chers masques et amis, un dernier mot pour Monsieur Masque, Max, bourgmestre maternel de notre grand Bruxelles du présent, de notre magnifique Bruxelles du passé, du Bruxelles joie de mes parents, mon père est né chez vous en 1835. Je revois mes amis de 1880, l'époque ardente des luttes pour l'art. Ils sont morts, les amis de joie et d'ivresse, tous purs bruxellois et premiers défenseurs. Edmond Picard, Mauss, Waller, de Modère, Verhaerne, Agy Waters, Le Monnier, Écoute, de Wolleville, mes fiches de consolation, nous avons Sander Pierron. Le bon ami de Neptune, l'explorateur canalisé des plates-côtes de Molenbeek, des bas-fonds d'Ixelles, des rives de Malbec, d'Eterbeek et de Marolebeek. Et maintenant, je veux songer à Manekepis, le plus ancien bourgeois bruxellois, le roi de vos fêtes, l'animateur intarissable des esprits brabançons, l'arroseur acide, caustique, effervescent. C'est avec ce bel hommage à Bruxelles, comme un slam à l'ancienne, qu'on introduit aujourd'hui l'histoire des radios libres belges. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait d'un long documentaire qui a été fait par Marcel Offler et qui s'appelle « Comme un avion sans ailes ». C'est l'histoire de la radio libre bruxelloise Radio Panique et celle plus généralement des radios en Belgique. Et cette histoire est parsemée de créations radiophoniques, comme ce toast porté avec les belles amies ou ennemies. Tout au long de cette émission, vous entendrez des extraits de « Comme un avion sans ailes ». Et puis entre les extraits, vous entendrez Sophie Hobby, Pierre de Jager, Carmelo Iannuzzo et Marcel Offler avec qui on commence. Eh bien, donc moi je suis un des cofondateurs de Radio Panique, donc une radio associative de la Belgique francophone, enfin de Bruxelles plutôt. Et puis j'ai fait partie pendant longtemps de l'atelier de création sonore radiophonique, qui est donc une institution qui promeut, qui produit de la création radiophonique et sonore. Et maintenant, bon, je suis un peu retraité, donc... Sophie ? Ben, voilà, moi je suis active à Radio Panique, on va dire, depuis 3 ans, où je fais de la technique, de l'animation... Et je m'intéresse aussi à l'organisation de la radio, et c'est pour ça que je fais partie du conseil d'administration depuis 2 ans maintenant. Et voilà, je m'intéresse aussi à l'histoire des radios libres. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas venir à cette discussion intéressante. Enfin, voilà. Carmelo, toi, tu es le tenancier de la CSR actuellement ? Oui, le tenancier. Donc oui, là, c'est, oui, je travaille actuellement à l'atelier de création sonore radiophonique à Bruxelles, que les gens confondent des fois avec l'atelier de création radiophonique de France Culture, mais ça n'a rien à voir. On est une structure indépendante qui n'est pas du tout liée directement à une radio de service public. Et alors, pourquoi je suis autour de la table ? Parce que j'ai travaillé à Radio Panique de 1998, en français de 1998 à 2003, je pense. Voilà, 5 ans, j'ai travaillé 5 ans là, donc j'ai vraiment dans une période transitoire, on va dire, entre la grande période de Marcel et maintenant la grande période, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux, justement, dans la reconnaissance des radios, mais ça, Pierre pourra en parler ici, en Comité française de Belgique. Pierre, toi, non seulement tu es à Radio Panique, mais tu viens aussi d'une autre radio bruxelloise. Oui, donc pour le moment, je suis le tenancier de Radio Panique, mais c'est assez récent, en fait. Enfin, ça fait 1 an et demi, 2 ans, et avant ça, j'ai passé... plus ou moins 16 ans, à être assez actif à Radio Campus Bruxelles. Donc là, l'idée, c'est qu'on essaye de faire comprendre aux oreilles françaises, dont les miennes, comment fonctionne le paysage radiophonique en Belgique, et puis en s'intéressant plus particulièrement à l'histoire des radios libres, parce que la lutte a probablement pas du tout été la même qu'en France, en fait. Et ben peut-être, Marcel, je t'interpelle. Justement, quand a commencé en fait la lutte pour la libération des ondes en Belgique Et contre quoi est-ce qu'on luttait au départ, quoi? Quel était le paysage radiophonique en Belgique très rapidement au moment où les premières radios pirates sont apparues? Il y a eu un premier essai de radio libre en 1968 dans le campus de l'ULB, de l'Université libre de Bruxelles, mais qui a été éphémère. Les premières radios ont commencé à émettre de manière illégale, pirate, fin des années 70. Oui. Avec notamment, parmi celles qui sont restées, il y a notamment Campus Bruxelles et Radio Air Libre à Bruxelles. Alors, toutes ces radios étaient dans l'illégalité. Elles ont été saisies, donc c'était un problème. On venait saisir tout leur matériel, elles devaient arrêter puis recommencer. Puis, elles ont formé une association qui s'appelait l'Association pour la libération des ondes et qui luttait donc pour leur existence, pour la légalisation de leur existence, même pas pour la légalisation, qui luttait pour leur existence, l'adversaire étant les radios de l'État et aussi RTL, puisque RTL existait déjà. Donc, il fallait lutter contre le monopole. C'était ça le mot d'ordre à l'époque. Lutter contre le monopole de la radiodiffusion. Alors, à un moment donné, la tendance qui était plutôt très anarchisante, libertaire, des artisans de radio, de même des militants sociaux étaient à la source de ces radios, ont été submergés par l'émergence des radios appartenant déjà à des groupes commerciaux, et donc des gens qui voulaient faire de la radio pour faire du fric, pour faire du profit, mais qui luttaient, donc qui ont été les alliés objectifs pendant un temps des radios libertaires, puisqu'il s'agissait de s'attaquer à l'ennemi principal à ce niveau-là, qui était le monopole de la radiodiffusion d'État. Et puis, à un moment donné, il y a eu une ligne de démarcation entre les commerciaux qui voulaient faire du profit et qui visaient une certaine professionnalisation du média, comme on pouvait en parler à ce moment-là, et les gens qui voulaient faire de la radio dans un esprit plutôt très 60 plus tard encore, je dirais, donc donner l'expression à tous ceux qui n'avaient pas les moyens de s'exprimer dans les médias officiels, et aussi donc épouser des luttes au niveau social, au niveau culturel et même parfois politique. Alors, à partir de ce moment-là, la stratégie de l'Association pour la libération des ondes a changé. Elle a recherché l'appui de l'État, de l'institution étatique, donc des anarchistes, hein, au fond, parce que c'était le seul moyen pour contrer l'émergence toujours plus grandissante des commerciaux. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont réclamé un plan de fréquence, qu'ils ont... La publicité étant interdite sur les ondes à l'époque, donc ils ont demandé qu'on applique cette loi, etc. Et alors, pendant des années et des années, il y a eu un combat législatif qui a duré, qui n'a abouti d'ailleurs que finalement, de manière sûre, que récemment, il y a un an ou deux, avec une reconnaissance des fréquences qui est vraiment maintenant stable, je crois, sûr. Tandis que pendant 20 ans, il y avait tout le temps des plans de fréquence qui étaient promulgués, puis qui étaient mis en question en justice ou dans un contexte de communauté francophone et flamande en Belgique. Ce qui fait que la réalité législative n'a jamais correspondu pendant 20 ans à la réalité sur le terrain où les émetteurs des radios commerciales tenait le haut du pavé en termes de puissance, d'émissions et en termes de lobby politique. Donc, puisque ces radios-là sont alliées au Parti libéral, qui est devenu parti réformateur, qui pendant de très longtemps a été au pouvoir en Belgique. La radio libre FM en Belgique a d'abord été une radio ponctuelle. Mais le vrai début du mouvement des radios libres en Belgique francophone a lieu à Couvain, mars 1978. Un groupe de libertaires bruxellois rejoint le comité couvinois contre la construction d'un barrage sur l'eau noire. Il crée une radio ponctuelle d'intervention citoyenne politique, c'est Radio Eau Noire. Cette radio émettra clandestinement une fois par semaine, tant que le projet de barrage ne sera pas retiré. Elle aurait jusqu'à 15 000 auditeurs. L'impact de Radio Eau Noire est extraordinaire. On en parle dans tout le pays. Son apparition réactive l'imaginaire de la résistance clandestine dans la population. De surcroît, elle est efficace, puisqu'elle s'appuie sur un fort mouvement populaire. Une première brèche est percée dans le monopole des instituts nationaux de radiodiffusion. Dans la foulée de Radio Eau Noire, d'autres radios libres naissent à Huy, Andenne, Bruxelles, Charleroi, La Roche. Elles sont toutes ponctuelles, accompagnant des luttes ou des mouvements. On y retrouve souvent, mais pas exclusivement, des militants écologistes, des militants de la coordination antinucléaire, des jeunes syndicalistes. À Bruxelles, mai 1978, des membres du comité antinucléaire fondent Radio Tam Tam. Puis c'est Radio Free Waves qui, à l'exemple de la Citizen Band aux USA, veut donner la parole aux isolés et aux marginaux et se faire l'écho des luttes. Cette radio est bilingue, notons-le. Le 9 novembre, Radio Brol, une des futures radios alternatives, réalise sa première émission en direct sur le parcours de la manifestation nationale des étudiants contre l'augmentation du Minerval. En mars 1979, Radio Blankendel apparaît pour sauver la forêt de Soignes. Après, c'est les radios qui ont commencé à vouloir s'installer reposaient vraiment sur des communautés ou sur un ensemble de communautés qui regroupaient différentes sensibilités, différentes philosophies. Et là, c'était pas Radio Louvain-la-Neuve. Il y a eu aussi Radio. Qui a été la première radio, justement, qui. Ça, c'est un événement important. Donc les flics ont débarqué, mais les étudiants. Ils ont fait appel aux étudiants de la cité universitaire, qui sont venus se regrouper autour du bâtiment et faire barrage aux policiers en disant stop, on veut que cette radio dure. Parce qu'avant, c'était on aimait, et dès que les flics arrivent, wop, on cache le matériel, on disparaît. Mais là, il a voulu. Ça a été en 78, en 78, cette volonté de vouloir passer de la radio éphémère à une radio d'animation. À une radio d'animation. Continue, 24 heures sur 24. Et tu as également parlé de l'ALO, l'Association pour la Libération des Ondes. Il y avait une association du même nom en France. Ça avait un rapport ou pas? Ça avait tout à fait un rapport. C'était, je crois que l'ALO belge a été créé à l'imitation de l'ALO française. Et donc les gens se connaissaient, les gens se voyaient. Et sachant que l'ALO française a évolué pas mal dans ses revendications, c'est-à-dire au départ, elle était sur la position de défense des radios pirates, des radios libres. Et puis assez vite, en fait, la volonté de reconnaissance pour elle passait nécessairement par l'autorisation de la publicité. Et elle a pas mal tenu ce discours-là, en fait, pour la publicité, qui était, selon elle, le seul moyen pour les radios libres de devenir pérennes. Est-ce que l'ALO belge a suivi cette même évolution ou bien quelles étaient en fait ses positions sur les radios libres? Disons, au départ, les deux opinions coexistaient, mais ce qui est devenu par la suite, dans les années 80, ce qui est resté le fond de l'ALO, c'était tous des gens et des radios qui étaient absolument opposés à la publicité. Je ne l'ai pas vécu, mais j'avais travaillé un peu sur l'histoire des radios libres avec toi, Marcel. Je crois que la publicité était justement un argument pour l'ALO. Bon, déjà, la nature des radios qui faisaient partie de l'ALO était clairement, on va dire, dans orientation libertaire ou socioculturelle et non marchande. Donc c'est clair que la publicité, même si certaines en faisaient, et je ne pense pas que les radios de l'ALO en faisaient, ce n'était pas le revenu, ce devait pas devenir le revenu premier et il ne devait pas être dépendant de ce revenu commercial. Il ne voulait pas devenir dépendant, si tu veux, de recettes à titre marchand commercial. Mais stratégiquement, si je me souviens bien, c'était justement le point de conflit, parce qu'ils se battaient pour la reconnaissance, pour la légalisation, la libération des ondes, mais à un moment, la loi a voulu la légalisation quand même, hein, qu'elle soit reconnue, qu'elle ait un statut. Et de même, il y avait le groupe des radios commerciales qui demandait ça, et qui demandait dans leurs revendications de pouvoir appliquer, de pouvoir diffuser des publicités, avoir des revenus publicitaires. Ben, c'était justement le point d'achoppement, la bagarre, si tu veux, pour définir un statut différent. Donc ils tenaient à se démarquer, ça je me souviens de ça, dans les revendications de la loi, ils tenaient clairement à se démarquer par rapport à ce groupe de pression-là. Mais à un moment donné, au début des années 80, quand Radio Panique est née, il y a la partie représentée surtout par les radios alternatives et Radio Air Libre a pris vraiment le pouvoir et la domination idéologique de la LO. Et eux étaient radicalement contre toute publicité et même, ce qui n'était pas le cas de toutes les radios, contre la subsidiation par l'État. Donc les subventions, je traduis pour les Français. Non, mais excuse-moi, moi je fais les traductions, vous parlez normalement. Donc si on doit faire la comparaison avec la loi française, c'est vrai que là, de ce fait, la loi avait une orientation plus libertaire en Belgique. Ouais. La loi se donne une charte revendicative. En voici quelques extraits. Nous revendiquons la possibilité pour tous les citoyens ou groupes de citoyens, belges et immigrés, de réaliser et d'émettre des émissions de radio libre sur des problèmes ou des luttes qui les concernent, sans autorisation, contrôle ni censure de l'appareil de l'État. Ceci afin de laisser s'épanouir sans entrave la communication entre et dans les différents groupes sociaux, les différentes communautés. Nous revendiquons la gestion de ces radios libres par l'ensemble des auditeurs actifs, respectant en cela un pluralisme des idées dans l'action, dans la démarche. Nous revendiquons l'existence de ces radios sans soumission à l'argent et à la politique. Nous revendiquons la dépénalisation des radios libres et non la légalisation. Une loi est par essence une limite à la liberté. Cela veut dire que nous ne demandons pas une légalisation, une loi restrictive, réglementée, contrôlée, mais la mise à la disposition de tous ceux qui veulent s'exprimer par la voie des ondes d'une gamme de fréquences non occupées. Le plan de fréquence, c'est un truc, ça a été un serpent de mer pendant très longtemps. Donc moi, quand j'ai commencé à faire de la radio en 92, c'était déjà un truc qu'on attendait incessamment. Il a fini par arriver en 2008, donc ça a vraiment pris très longtemps. Mais donc c'est cette nécessité d'avoir, comme on est sur un relativement petit territoire, avec une forte densité de population, beaucoup d'émetteurs qui sont concentrés sur ce petit territoire, donc il faut une régulation pour que les émetteurs ne se perturbent pas les uns les autres. Bon, au départ, c'est juste cette nécessité technique là qui, à mon avis, existe partout, mais est sans doute sentie de façon plus aiguë sur un territoire comme la Belgique, étant donné la taille et la densité, et aussi la différence géographique entre les deux régions. Puisqu'un des problèmes en Belgique, c'est que la communauté française, enfin la Wallonie en tout cas, est relativement vallonnée. Donc les émetteurs FM, pour pouvoir couvrir du territoire, doivent mettre pas mal de puissance, tandis que la Flandre est absolument plate. Et donc là, a priori, ils pourraient couvrir beaucoup avec très peu, sauf qu'ils sont souvent perturbés par les émetteurs wallons d'à côté qui, eux, mettent tout plein pot. L'origine de beaucoup de problèmes dans l'établissement de ce plan de fréquence. Puisque donc, pourquoi est-ce que ça a pris alors si longtemps pour faire quelque chose qui paraît relativement simple au départ? C'est qu'il faut mettre beaucoup de personnes différentes d'accord. D'abord, coordonner ça entre les deux communautés linguistiques du pays. Il faut que tout le monde... chaque décision sur une fréquence, officiellement, devrait normalement être validée par l'autre communauté, ce qui souvent n'a pas été le cas dans le passé. Donc il y a des choses qui étaient lancées, puis qui étaient annulées par la suite en justice, suite à une plainte de la communauté flamande, par exemple. Et alors aussi, il y avait... En dehors de ces deux forces-là qui s'affrontaient plus ou moins, bah, y avait d'autres intérêts qui poussaient aussi éventuellement pour que ce plan de fréquence n'arrive pas ou n'arrive pas tout de suite, parce que tout le monde n'avait pas forcément intérêt à ce que ce plan de fréquence existe. En fait, je pense que les opérateurs commerciaux, ils s'accommodaient très bien de cette situation de dérégulation complète, puisqu'eux avaient les moyens de mettre des émetteurs plus puissants, de racheter des fréquences. Il y a eu toute une période, mais ça je pense que ça a été pareil en France, mais je me trompe peut-être, où des fréquences qui étaient des petites radios indépendantes, plus ou moins associatives, mais pas tout à fait, fonctionnaient pendant quelques années, puis à un moment on mettait la clé sous la porte, et bien qu'elles n'aient aucune existence légale, revendaient quand même leurs fréquences à un réseau commercial. Et donc en fait, les réseaux, ils étaient très contents de cette situation, ils pouvaient s'étendre, récupérer des fréquences, mettre de plus en plus de puissance, avoir une bonne couverture du territoire, tout en se disant, si un jour il y a ce plan de fréquence qui arrive, ce plan de fréquence ne pourra pas faire autre chose, étant donné le poids politique qu'on a, que reconnaître ce qui existe déjà sur le terrain. Et donc plus on attend, plus on occupe de la place sur le terrain, plus ce sera reconnu par la suite. Par ailleurs, le fait qu'il n'y avait pas ce plan de fréquence faisait aussi que les réseaux commerciaux en fait, n'avait pas d'existence légale. Dans la législation, rien ne faisait mention de ces réseaux commerciaux. Et donc, ils étaient exempts d'un tas de choses, puisqu'il y avait ce projet qui existait déjà depuis longtemps pour que les radios qui ont des ressources publicitaires cotisent une partie de ces ressources à un fonds d'aide à la création radio. Censé aider au départ la création radio et maintenant par la suite aussi les radios associatives et deux, trois autres choses. Tant que les réseaux commerciaux n'existaient pas légalement, pour eux c'était très facile de dire on n'existe pas, donc on n'a pas de raison de payer. Et ça a été comme ça pendant très longtemps. Donc en fait les réseaux, je pense qu'ils ont aussi fait partie de ceux qui poussaient pour que ces longues procédures d'établissement d'un plan de fréquence n'aboutissent jamais. Ils ont aussi déposé des recours devant le Conseil d'État. Donc voilà, c'est l'explication plus ou moins de ce que c'est et de pourquoi ça t'entraînait. Tiens. Oui. Qui. Tiens. Nous. Tiens. Nous. Partient. Oui. Oui. Nous. Appartient. Nous, oui, appartient. Oui. Nous, c'est qui nous. C'est le appartient. C'est qui nous. C'est qui nous. C'est huis clos qui nous appartient. C'est huis clos qui nous appartient. Alors maintenant, pour faire une comparaison avec la France, donc parce qu'on arrive facilement à ces années-là, je veux dire, en France, vous avez eu un combat dur. Mais à un moment, vous avez eu une reconnaissance des radios en 82, si je ne me trompe pas. C'est 80, en fait, c'est l'État s'engage à légaliser les radios et le véritable statut légal arrive en 83. Il y a une période un peu bâtarde entre les deux. Donc là, vous avez pu, en France, il y a pu avoir un terrain, un statut pour les radios, pour se développer, pour être reconnu, pour faire un réel travail. Alors qu'en Belgique, ça a été dur de survivre, on va dire, comme le racontait très bien Pierre. C'était un vrai Far West ici, sans plan de fréquence, avec les réseaux commerciaux qui avaient un lobbying tant politique, tant financier. C'était aussi financier, c'est pas seulement le matériel, la puissance financière, c'est aussi savoir payer des avocats et gagner des procès. Tu vois, c'était ça aussi. Hein. Une radio associative, d'une fois qu'elle avait un huissier, elle était finie. Une radio commerciale, dès qu'il avait un huissier, ça avait payé un avocat, ça avait payé du matériel, ça avait payé, tu vois, pour renaître. Donc, il y avait des configurations très diverses, des situations économiques et socioculturelles très différentes. Par exemple, si on prenait la Radio Campus à l'université, à l'ULB, elle a pu exister grâce au soutien de l'université. Il y avait Radio Equinox et d'autres radios qui étaient soutenues si tu veux, accueillis par des maisons de jeunes qui avaient des financements publics. Donc la radio faisait partie de projets culturels. N'était pas un projet qui était reconnu en tant que tel par l'État, mais était une activité, si tu veux, soutenue par une autre structure qui est reconnue par l'État. Et d'autres étaient très libertaires, ne voulaient pas de dépendance, donc reposaient fort sur les cotisations des animateurs. Donc il y avait vraiment, si tu veux, chacun avait trouvé un peu sa solution pour survivre. Mais il y en a beaucoup qui sont mortes. Il y a beaucoup de radios qui sont mortes. Je crois qu'on en dénombrait dans les années 90, ou je ne sais pas, peut-être il y en avait 200 radios libres comme ça, qui avaient mis leur émetteur et tout. Mais aussi, je crois qu'avec l'arrivée d'Internet, en fait, ça s'est dissolu de soi-même, en fait, il n'y avait plus tellement... Oui, non, c'était déjà avant ça. Hein. Je veux dire, au début des années 90, en fait, la plupart avaient déjà disparu. Et on était déjà dans une situation assez proche de celle qu'on a aujourd'hui en termes de nombre de radios associatives. Il en reste déjà plus tant que ça. Donc la plupart, elles sont mortes dans les années 80, bien avant l'arrivée d'Internet. Alors, situation de Far West, tu parlais de situation de Far West. Je peux peut-être raconter une petite anecdote. Lorsque j'étais responsable de Radio Panic dans les années 80, il est arrivé à plusieurs reprises des coups de fil de menaces. Tu arrêtes ta fréquence immédiatement, sinon on vient te casser une jambe ou on vient te... Alors des coups de fil répétés qui venaient plusieurs fois dans la journée, le soir. Tu veux te retrouver demain invalide ? Continue ta radio. L'année passée, quand j'étais môme, chantais mon plat pays petit. Mais plus je regarde l'atomium, et plus il me coupe l'appétit. Avec ses neuf poulets immondes, plus ravagé que la tour de Pise. J'habite dans la seule ville au monde dont le fétiche soin mais qui pisse. Sous l'atomium, il y a les Belges. Belges, ça ne rime avec rien. Pour changer d'air, je change d'auberge, voir au moins s'il y a des terriens. Noble Belgique, perdo chérie. Les années 80 voient les radios commerciales faire de plus en plus appel à des journalistes professionnels pour leurs émissions d'information et les éditeurs de presse créent leur propre réseau de radio. La logique du profit prévaut sur toute autre perspective. L'AGJPB, Association Générale des Journalistes Professionnels de Belgique, ajoute son grain de sable pour condamner l'amateurisme journalistique et pour refuser toute prestation journalistique qui ne serait pas correctement rémunérée. De Bavure, en 1983, alimente sa montée au créneau. À Liège, une radio interprète de manière aussi farfelue qu'irresponsable le tremblement de terre et plonge ses auditeurs dans la panique. À Bruxelles, Radio Contact provoque, en propageant de fausses rumeurs de pénurie d'essence, la ruée sur les stations-service. Notons bien que ces bavures émanent de radios commerciales. Les conséquences atteindront cependant les radios non commerciales. En effet, suite au lobbying de l'AGJPB, le décret du ministre Monfils en 1988 exigera de toutes les radios qu'au moins deux journalistes professionnels participent à l'équipe de rédaction, ou du moins la supervisent. C'est un coup dur pour les radios de l'ALO, qui n'ont évidemment pas les moyens de se payer les services de journalistes professionnels. Et puis, que va-t-il rester de l'idéal des radios libres du début ? L'idéal de l'auto-information des habitants ou des citoyens via l'auto-expression de tous ? Thierry Couvreur conclut son étude « Presse écrite quotidienne et radio locale en Belgique francophone » approche des moyens rédactionnels entre les deux médias, avec cette remarque tout à fait pertinente. Le retour des professionnels dans les radios va peu à peu rétablir un schéma de communication ancien dans lequel l'échange ne se produit pas. Les journaux parlés, réalisés par des professionnels, font perdre toute une approche des choses que les citoyens animateurs pouvaient apporter. En effet, ce dernier, devant d'abord s'informer lui-même complètement, aura tendance à expliciter et à commenter les nouvelles qu'il transmet. Quel sera l'avenir de l'information sur les radios libres d'expression apparemment battues à deux niveaux, celui de la légitimité journalistique et celui de la forme médiatique elle-même? À titre d'exemple, nous allons décrire l'expérience de Radio Panique. Cette expérience est relativement originale, puisqu'elle a tenté de se tenir à égale distance de deux excès. L'amateurisme cultivé comme l'expression de la vérité d'une part, le professionnalisme imposé comme culture de l'information d'autre part. Et moi, il y avait une question que j'avais envie de poser aussi par curiosité, peut-être. C'était, moi, c'est une période que je n'ai pas connue, justement, mais tu pourras m'éclairer là-dessus. Mais comment est-ce que l'État a inclus, justement, ces radios dans les discussions pour élaborer des décrets, tout ça? Est-ce qu'il y avait vraiment une communication qui était faite avec les radios libres? Oui, parce que très vite, il y a eu la création d'un conseil des radios au niveau... donc ministériel, au niveau du gouvernement. Ils avaient une délégation au niveau du conseil des radios. Quand il y avait eu, on va dire, un ministre socialiste, les radios ont eu plus facile, si tu veux, les radios associatives ont eu plus facile à être entendues. Et quand l'ALO était fort aussi. Mais il y a un moment où il y a eu Philippe Monfils, libéral, et là, par contre, tel décret sur la radiodiffusion, Alors que le décret précédent, je me rappelle bien de mémoire, le décret 1991, tu avais vraiment la reconnaissance des différentes radios, les radios communautaires, les radios d'expression, de création. T'avais vraiment, ils avaient vraiment reconnu différents types de radios. Ça, c'était en 91 seulement qu'ils ont reconnu différentes catégories de radios. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que je reviens... Selon un critère technique, en quelque sorte, et plus selon un critère... de projets de radio, comme c'était le cas précédemment avec les socialistes. Mais c'est le décret, mais après il fallait le plan de fréquence, comme on racontait là tout à l'heure, pour vraiment donner les fréquences, et vraiment ces plans de fréquences directement étaient attaqués, que ce soit par notre communauté, par les groupes, les groupes privés, et donc ne tenaient pas. Donc, en fait, tant que le plan de fréquence n'était pas là, ce décret, restait de toute façon lettre morte. Donc, dans les faits, il y avait juste deux types de radios, les radios publiques et les radios privées. Et très souvent, d'ailleurs, quand on était dans des questions de subventions dans les rapports avec les politiques, la réponse, c'était « c'est pas possible de subventionner les radios associatives parce que qu'est-ce qu'on a ? Il n'y a pas de différence juridique ». Entre les différents types de radios indépendantes, donc tant qu'il n'y a pas ça, on ne peut pas vous subventionner. Mais ne vous inquiétez pas, le plan de fréquence arrive bientôt, tout ça pendant 15 ans. Donc. Mais pour comprendre, en fait, au niveau de la chronologie, quand vous parlez de la première période avec les socialistes, on parle des années 80 à ce moment-là, c'est ça ? Fin des années 70-80, début des années 80. D'accord. Et même à ce moment-là, les radios étaient dépendantes d'un ministère au niveau fédéral, alors qu'à un moment donné, elles ont été, comme nous disons, communautarisées, c'est-à-dire dépendantes des deux communautés, soit flamandes, soit wallonnes, enfin francophones. Ce que je ne comprends pas très bien, c'est qu'il n'y a jamais eu de statut... Il y a eu une sorte d'officialisation sans officialisation, quoi. C'était... Il y avait des autorités de tutelle, mais sans catégorie de radio, sans plan de fréquence. Oui, il y avait une distorsion totale entre les radios, comment elles étaient désignées et cataloguées institutionnellement et juridiquement, comme l'a expliqué Carmelo, et puis les radios sur le terrain, les radios en réalité. Donc c'était, on était dans un... On avait beau être dans un pays sociodémocrate, on ressemblait plus à un pays très libéral sur la gestion de ce dossier. Et ça, c'était aussi un discours, c'est qu'on disait qu'il y avait une absence de politique, mais pour nous, c'était pas une absence de politique, c'était clairement une politique délibérée, une politique libérale, de laisser les choses ainsi. Voilà. Je suppose que ça a une incidence forte sur... le développement ou l'absence de développement de radios associatives qui n'ont pas pu se maintenir dans cette sorte d'ultra-libéralisme de la bande FM. Et là, c'était la volonté des ministères, responsables de la culture, chez qui on espérait des financements. Eux, ils espéraient qu'il y en a beaucoup qui meurent, comme ça, ils pouvaient, parce que financer et subventionner 200 radios, c'était pas possible, ça coûtait cher. Donc c'était aussi leur politique d'attendre qu'elles meurent, pour qu'il n'y en ait plus que 20, 30... Alors, arrivé à une situation, on pouvait commencer à se poser la question de les subventionner comme en France, de les financer comme en France. Et n'oubliez pas notre maxime du mois avec les magasins Balèze. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'argent qu'il ne faut pas le dépenser. Cette pensée vous était offerte par les magasins Balèze. Et moi, je voulais poser une question par rapport... ça, c'est un problème communautaire très belge, problème entre les Flamands et les Wallons. Et est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, dans l'histoire de cette lutte, un rapprochement entre les Wallons et les Flamands au niveau des radios communautaires associatives ? Oui, il y a eu, mais il y a très peu de radios associatives en Flandre. Mais il y a eu notamment une radio à Anvers, dont le nom m'échappe, Centrale Radio. Centrale, oui. Qui était une radio vraiment intéressante et qui avait très souvent des contacts, des rapports avec les radios francophones. Oui, mais Radio Centrale existe toujours d'ailleurs, mais je pense que... Enfin, là, on disait qu'il y a beaucoup de radios qui ont disparu assez tôt, en fait, enfin, dans les années 80, côté francophone, mais je pense que ça a été encore bien pire du côté flamand, où là, pour finir, il y en a très très peu qui ont survécu. Et donc, il reste maintenant 4 ou 5 radios associatives du côté flamand. Mais par contre, oui, il y a toujours eu des contacts entre les radios associatives de deux côtés, et elles sont relativement proches. En même temps, elles se retrouvaient dans des situations politiques différentes, puisque les procédures et les décisions, une fois que les dossiers ont été communautarisés, les questions se posaient de façon différente des deux côtés, et les revendications ne devaient pas être portées au même endroit. Donc se fédérer entre radios flamandes et francophones n'apportait pas grand chose, et apportait assez peu de popularité du côté des politiques, puisque de toute façon préféraient le plus possible diviser la question. Ça ne faisait pas gagner grand chose d'arriver chez un ministre en disant voilà, on est toutes les radios associatives de Belgique, y compris les flamands, lui étant de toute façon juste élu par les francophones, s'en fiche complètement. Donc voilà, on s'entend bien, mais ça n'a pas résolu les problèmes. Est-ce que justement ce Far West, comme vous l'avez nommé, est-ce que ça a fait qu'il y a eu davantage de solidarité entre les radios associatives, entre les vraies radios libres, quoi, entre elles, par rapport aux radios commerciales? Est-ce que ça fait qu'aujourd'hui il y a davantage d'échanges entre elles, par exemple? Pendant toutes les années 90, il y a eu quand même un certain épuisement dans les questions de revendication, de reconnaissance. Ça faisait déjà tellement longtemps que ça durait que beaucoup de radios se sont retrouvées plutôt dans une optique de survie individuelle, et il y avait pour finir relativement peu de choses qui se passaient, de temps en temps des tentatives qui n'aboutissaient pas, parce que il y avait un certain fatalisme aussi, je pense, qui s'était installé devant le fait que de toute façon ces dossiers n'avançaient pas, et que c'était un peu se battre contre des moulins à vent, et donc autant essayer de faire tourner sa radio le mieux possible et trouver des solutions à son niveau. Je pense que c'était assez normal. Et donc c'est vrai que c'est seulement maintenant qu'il y a de nouveau des choses qui se mettent en place entre radios, maintenant qu'il y a une certaine stabilité qui est revenue et qu'une reconnaissance réelle existe. Et donc maintenant il y a une association de radios qui s'appelle le CRAX, qui existe depuis 7-8 mois, quelque chose comme ça, donc c'est quand même assez récent. Et voilà, c'est encore un peu en gestation, hein. Il n'y a pas encore Il n'y a pas de prise de position radicale, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est là que se passent les discussions, les tentatives. Ce qui se passe, ce qui est assez intéressant, c'est que pour finir maintenant ça commence par des choses assez concrètes, quoi. Les premières choses qui sont organisées par le CRAX sont plutôt des rencontres pour échanger des savoirs et faire des formations et des choses comme ça. Au niveau des revendications politiques, ça s'est pas encore énormément développé, mais peut-être c'est mieux de pas commencer par ça, parce que c'est typiquement le genre de sujet qui va tout de suite épuiser tout le monde et renvoyer tout le monde à la maison. Donc voilà, ça commence par d'autres choses, mais je pense que le but est quand même aussi à terme d'avoir une vraie représentation un peu unie des différentes radios associatives. Là, le CRAX réunit qui? Je pense qu'il réunit en tout cas les 13-14 radios, donc les radios qui ont obtenu ce statut de radio associative. Est-ce qu'on essaye de ressortir le vrai nom officiel De chaque radio? Non, le statut. Radio d'expression à vocation culturelle et d'éducation permanente. Voilà. Et donc il y a une petite quinzaine de radios qui ont obtenu ce statut. Il y en a quelques autres qui espèrent l'obtenir en Wallonie ou bien en communauté française, donc Wallonie et Bruxelles. Et je pense qu'elles sont toutes dans le CRAX, plus ou moins. Donc voilà, maintenant je peux te fournir la liste si tu veux, mais pas de tête. C'est incroyable ce que les années passent. C'est formidable. Et puis au fur et à mesure qu'on vit, le temps passe encore plus vite. Alors c'est incroyable le rythme des saisons à laquelle ça se poursuit. Incroyable ce que le temps peut passer. C'est vertigineux. Une vie, ça peut passer vite. Enfin, il y a certaines choses qui vont trop vite, puis peut-être d'autres choses qui ne vont pas assez vite. Enfin, dans l'ensemble, ça va, je trouve que ça va trop vite. Je sais pas, on n'a pas le temps de... On n'a pas presque le temps de vivre tout de suite. Ça défile, c'est vrai, quand on a beaucoup d'occupations, ça se succède. Les jours après les jours, les semaines après les semaines, c'est vertigineux, je trouve. Considérable. Formidable. C'était sensationnel. C'était très très joli. C'était pas mal. Bien. Oh, elles auraient dit ça fait vieux, ça. Je... Coucher sous la feuille, en goutte de sang. J'aimerais toujours le temps de ce. Mais du coup, vu de France, en fait. Il y a cette vision en fait de la Belgique comme étant un territoire très très porteur en fait en termes de création radiophonique. Là, on est par exemple dans les locaux de la CSR, quoi. C'est une structure, un type de structure qui n'existe absolument pas en France. Il y a beaucoup la création radiophonique est très vivante, quoi. En Belgique, il y a pas mal de personnes qui sont passées à Marseille aussi, ou des gens qui sont allés à Radio Grenouille notamment, qui sont belges au départ et qui le restent. Mais je veux dire qui ont pas mal. C'est un peu l'envers de la médaille en fait, comme on parlait de la création du fonds de soutien à l'expression radiophonique en France en 80-83. En France, en Belgique, nous avons justement, comme ils n'avaient pas l'argent si tu veux, pour financer structurellement les radios. Et ça allait de pair aussi avec, la disparition de cases destinées à la création sur la radio de service public, sur la RTBF. Donc il y a des auteurs, réalisateurs aussi qui rouspétaient et ils sont mis ensemble avec les radios à l'époque auprès du ministère pour faire quelque chose pour soutenir les émissions de qualité, les émissions de contenu, la création radiophonique. Et alors la solution qui a été proposée là, par les partenaires et par le politique, ça a été de soutenir, pas structurellement des radios, mais soutenir des émissions. Donc soutenir du contenu directement, des projets d'émissions. Donc pas soutenir le flux, on va dire, mais soutenir le stock. Donc des projets d'une heure ou des séries de 10 émissions. Si je me souviens bien, c'était aussi une sorte de compromis politique et pas uniquement une question de moyens, parce qu'il y avait à ce moment-là au gouvernement un des partis, je ne sais plus lequel j'avoue, qui était complètement opposé à l'idée d'un financement direct des radios, mais qui voulait bien éventuellement faire un compromis et accepter des financements de projets. Mais probablement parce que il y avait trop de radios à subsidier encore à l'époque. Trop de radios à subsidier. Et donc on a eu ce fonds d'aide à la création radiophonique qui a été créé en 1991 et qui est alimenté par un pourcentage prélevé sur les résidus publicitaires de l'RTBF et des réseaux commerciaux, mais qui n'étaient pas encore définis et donc qui ne payaient pas encore. Mais depuis 1991, on a eu un fonds d'aide à la création radiophonique. Et donc la différence par rapport à la France, si tu veux... où là, si tu veux, on soutient que ce soit les radios de service public, Radio France, donc France Inter, France Culture, etc., et les radios associatives, et alors chacun a leur politique interne de faire des émissions de contenu de la création. Donc, si tu veux, si tu voulais faire la création, il fallait être à l'intérieur des structures. Là, avec ce fonds, il y avait, si tu veux, comme le fonds d'aide au cinéma, comme le fonds d'aide... à la création théâtrale, etc., il y avait un soutien à ce qu'on peut appeler la production indépendante. Donc, si tu veux, un soutien direct aux auteurs et réalisateurs, sans être nécessairement rattaché à une émission, sans être nécessairement rattaché à une radio, mais surtout, il y avait une clause, surtout, ici, avec le fonds d'aide à la création radiophonique, extérieure à l'RTBF. De fait, on voit que les radios intéressées, ce n'était pas les radios commerciales, c'était les radios associatives. Donc, c'est les radios associatives, surtout, qui sont un relais important de la création radio. Et ça, là maintenant, comme tu dis, tu vois ce foisonnement important en Belgique, parce que c'est grâce à ce fonds d'aide, on va dire. Hein, parce qu'en France, un auteur-réalisateur, s'il veut avoir des subsides pour sa création, il est obligé d'aller voir un producteur de France Culture qui n'ont plus le budget pour engager des freelance ou des auteurs extérieurs où tu participes bénévolement à une radio associative. Tu, puis à, comment ça s'appelle ce fonds encore, qui soutient des reportages et documentaires, mais vraiment l'EPRA, voilà. Ouais. Donc en France, du côté radio-associatif, vous avez l'EPRA. Mm. Sinon, si vous faire sur l'immigration, quoi. Mais encore en ce moment, c'est en train de se restreindre beaucoup. Disons qu'on sent une pression en termes de contenu, où vraiment il faut que ça aille dans le sens des opinions du ministère de l'immigration. Donc ça devient plus difficile de faire du documentaire dans ces conditions. Donc voilà, tu vois, il y a eu cette politique en France de vouloir soutenir structurellement ces opérateurs socioculturels qui avaient un impact important au niveau, si tu veux, éducation permanente, comme on dit en Belgique, au niveau socioculturel, au niveau artistique, au niveau local. Et ici, en Belgique, l'intervention était plutôt directement sur la création du contenu et pas sur, on va dire, sur le soutien d'un opérateur qui a un impact positif au niveau du tissu social, culturel, local. Mais à côté de ça, il y avait, je pense que l'activité du FACR n'explique pas tout non plus. Enfin, il y a aussi toute presque une tradition de création qui s'est développée, en tout cas à Panique et à Campus, et peut-être aussi à Air Libre, bien que je connaisse un peu moins l'histoire des programmes d'Air Libre, mais il y avait quand même beaucoup de gens pendant toutes ces années qui faisaient des programmes de création aussi tout à fait en dehors de tout subventionnement par le FACR. Ça faisait partie vraiment des désirs de programmes radio qui existaient dans ces radios. Voilà, une fois qu'il y en a qui existent, ça donne sans doute les idées aux autres et ça continue de se développer. Peut-être plus qu'en France, mais je ne suis pas certain du tout que ça soit en fait plus qu'en France. Mais bon. Thierry Génicaud est le père fondateur de l'atelier de création sonore et radiophonique. Mais c'est une longue histoire qui remonte maintenant à il y a plus de 15 ans. Je me souviens que je discutais avec un homme de théâtre qui s'appelait Alain Populaire à l'époque quand il faisait du théâtre et on avait pensé à un titre, c'était pas une forme d'atelier, mais qui était une façon de créer en dehors des cadres où il était plus possible de créer. Il avait d'ailleurs trouvé ce titre qui s'appelait Canal de dérivation, et je trouve ça un beau titre, on pourrait le réutiliser. Eh bien, ça indique bien les choses, quoi. Canal de dérivation, canal, on travaille avec des canaux, et puis quand c'est bloqué d'un côté, bien, on dérive de l'autre. Et je pense que l'atelier a été, à l'instar de ce qui s'est fait dans l'audiovisuel, un espace qui était nécessaire devant une réponse... devant un éparpillement d'un côté, il n'y avait pas de centralisation de ce qu'on pouvait entendre en matière de création, ou une impossibilité de créer d'autre part sous prétexte qu'il n'y a pas d'argent. Que l'art mange. Donc maintenant qu'on est arrivé au bout de cette longue procédure dont on n'arrête pas de parler et qu'il y a ces petites quinzaines de radios qui ont été reconnues comme radio d'expression, etc., etc., je te fais grâce du nom complet cette fois. Donc il y a un financement structurel qui est prévu, mais qui est relativement peu élevé, hein, quand même, c'est pas du tout suffisant pour faire vivre une radio, en fait. Donc il y a différentes conditions qui modulent cette subvention. Mais pour une radio donc qui émet en FM, qui émet aussi en stream, qui ne passe pas de publicité, ça peut monter à 19 000 euros par an, je pense. Voilà, mais bon. Et tu parlais du stream, et peut-être on peut terminer là-dessus. Bon, l'État a mis 30 ans à faire un plan de fréquence ici, mais par contre... Pour le streaming radio, les radios doivent déclarer, demander une autorisation de faire un stream. J'ai appris ça, ce qui m'a un petit peu étonné. Oui, c'est totalement absurde et assez indéfendable. J'en ai discuté quelques fois avec des gens qui travaillent au CSA. Et effectivement, ils sont prêts à concéder le fait que c'est complètement absurde. Mais en fait, je pense que dans une certaine mesure, cette obligation de faire une demande préalable a été utilisée pendant plusieurs années pour que le CSA puisse quand même commencer à opérer un certain contrôle sur les radios. en l'absence de... Comme la procédure pour le plan de fréquence n'était toujours pas lancée, la seule manière qu'ils avaient de pouvoir quand même avoir un dialogue et une régulation des radios, c'était d'imposer en tout cas aux radios de faire une demande préalable pour un stream qui serait un simulcast de ce qu'ils font sur antenne. Donc je pense pas qu'ils demandaient à chaque individu qui voulait faire un stream dans sa cave de faire une demande d'autorisation préalable. En fait, ils ne le demandaient qu'aux radios qui existaient par ailleurs en FM. Mais ouais, bah, pour rebondir là-dessus, par contre, la radio numérique terrestre, enfin Radio Panique et Radio Air Libre notamment, ont signé l'appel de la coordination Radios en lutte en France contre le passage au numérique en France. En Belgique, c'est à l'ordre du jour ou bien pas du tout ? C'est pas vraiment à l'ordre du jour, en fait. On en a un peu parlé. Il y a eu un ou deux plans stratégiques élaborés au ministère avec des horizons plus ou moins lointains, mais qui se sont déjà révélés beaucoup trop proches. C'est déjà des prédictions complètement dépassées. En fait, le dossier n'avance pas du tout parce qu'il n'y a aucun intérêt d'aucun opérateur en Belgique, à part les radios d'État, justement, qui ont un peu investi dans ce domaine-là et qui, là, commencent à se demander si elles vont continuer parce que ça continue de ne pas bouger. En fait, les opérateurs privés ne sont pas intéressés en Belgique et ils l'ont dit dès le départ, contrairement à la France, où ils ont fait volte-face en cours de route. En Belgique, je pense que c'est essentiellement parce qu'ils tiennent à leur décrochage publicitaire locaux, ce qui est impossible avec la radio numérique terrestre, donc ils veulent rester en FM. Évidemment, les associatifs ne sont pas du tout prêts à faire des investissements de ce côté-là, et en fait se posent relativement peu la question jusqu'ici. Et donc en fait, en Belgique, ça ne bouge pas. Tant que les gros réseaux commerciaux ne bougeront pas, rien ne bougera, et ils ont l'air bien décidés à rester sur place sur cette question-là. Donc ça finira sûrement par venir sur la table, mais nul ne sait quand pour le moment. La valse des watts, watt, watt, watt, watt. Chapitre 10. Les dinosaures ont-ils une âme ? Mais tu crois que ça va évoluer comment, le monde des radios associatives ? Je sais pas. Enfin, que ça va rester comme maintenant ? Enfin, si on regarde un peu l'évolution, bon, dans les années 80, il y a eu la création de toutes les radios pirates qui ont vraiment foisonné un peu dans tous les sens, et plein de trucs ont été créés, plein d'émetteurs sauvages qui ont été créés partout. Et puis petit à petit, il y a les réseaux style Contact qui ont été rachetés les émetteurs et rebouffés le truc et diffusés de la musique de merde sur l'ensemble du territoire. Et il reste quelques dinosaures qui sont Campus, Panique, Air Libre, qui ont encore la force de faire quelque chose. Mais pour l'instant, depuis quelques années, c'est un peu le statu quo. Qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu crois que la radio associative va encore, va peut-être encore réémerger dans les années futures ou, J'en sais rien. T'en sais rien ? Non. Graziella n'en sait rien. Mais que dit le secrétaire général de la communauté française de Belgique ? Ben je pense que les radios associatives sont un peu l'âme du développement de tout ce secteur. Serait-elle par conséquent immortelle ? Posons la question à Pierre Fassbinder, président de la Fédération des radios libres indépendantes. Les radios sociales, culturelles, associatives qui ont démarré tout l'univers de la radio il y a 15 ou 20 ans, il n'y en a plus. Pratiquement plus, il crève. Elle ôta l'épingle qui tirait l'œillet dans ses cheveux. Elle l'a mis entre ses lèvres. Puis doucement, elle entrouvrit le poing, prit le papillon par les ailes, s'apprêta à le transpercer. Que tu es cruel, dit Georges, que tu es cruel. Elle sourit attentive à son œil, tandis que la petite victime battait les ailes, déjà déflorées. Que tu es cruel. Répéta Georges d'une voix plus basse. Ce qui n'a pas été dit, je trouve ça intéressant, dans cette confrontation entre les radios libres et les radios de service public, je pense qu'il y a eu le même phénomène en France, c'est que les jeunes écoutaient vachement plus les radios associatives, les radios libres, que la radio de service public. Et donc la radio de service public a répondu en créant de nouvelles chaînes avec la musique plus à destination des jeunes, la musique rock, la musique... Et chaque fois, ils ont suivi, on va dire. Dans cette mouvance libertaire, tu as eu des animateurs. Libertaire, c'était pas seulement politique, c'était aussi en termes de foisonnement artistique. Il y avait le lien avec une scène culturelle artistique à Bruxelles que la radio de service public effectuait mal, si tu veux. Elle était surtout en lien avec la culture conventionnelle, on va dire, avec les grandes institutions. Et si tu veux, les radios libres ont toujours été le reflet, si tu veux, du... C'est un terme qui est un peu oublié, mais qu'on utilisait beaucoup à l'époque, underground, hein, de la scène underground. Et chaque fois, la radio de service public a dû s'adapter, si tu veux, toujours un peu en retard. Mais c'est vrai aussi, moi, je voulais juste aussi terminer sur le fait que ben, la radio, on peut aussi se demander si c'est pas en train de devenir un peu has-been. Enfin, je dis ça parce qu'aujourd'hui, maintenant, on a justement le podcast que nous, on a sur notre site, enfin, et tout ce qui est radio à la demande. Et donc, enfin, moi, j'ai l'impression qu'au niveau technologique, il y a tellement de transformations. Enfin, voilà, après, moi, je trouve que là, dans les années qui vont venir... ça va influencer pas mal sur la production et sur la redéfinition d'une radio, d'une parole collective aussi, enfin, parce qu'on ne fait pas que de la musique, on fait aussi la production d'un discours sur le monde, sur un point de vue sur le monde. Et donc voilà, enfin, moi je suis curieuse de voir comment ça va s'agencer maintenant avec toutes les transformations technologiques, quoi. Cela est exact, mais moi je ne suis pas persuadé que la radio FM va si rapidement que ça disparaître. Parce que, à peu près dans chaque maison, sur les lieux de travail, dans les voitures, etc., il n'y a pas encore vraiment d'alternative pratique qui ne coûte pas cher pour réceptionner les radios. Donc je crois que le discours sur la fin des radios hertziennes n'est que partiellement légitime, enfin, véritable. Mais bon, on verra. C'est un fait que moi, par exemple, je n'écoute plus la radio que par Internet et à la carte. Mmh. Alors que j'ai toujours été un grand défenseur du concept de radio généraliste, le flux qu'on laisse couler, donc à certains moments on n'écoute plus, on est indifférent, puis hop, à un moment arrive quelque chose qui allume l'esprit, qui vous donne de nouvelles connaissances ou une nouvelle sensibilité à tel moment. Moi, j'ai toujours défendu ce concept de radio et je m'aperçois que maintenant, je vis la radio de manière totalement différente. Donc, je ne sais pas si je suis victime du nouveau système de transmission radiophonique. Mais je constate en même temps... quelque part, écouter la radio à la carte, c'est un enrichissement de petit temps, mais pour le rythme vital ou pour le développement humain, je ne sais pas s'il n'y a pas une perte. C'était l'histoire sauvage des radios libres belges avec Marcel Offler, Sophie Hobby, Pierre de Jager et Carmelo Iannuzzo, ainsi que des extraits de Comme un avion sans ailes, que vous pouvez retrouver intégralement sur www.crayonlibre.be. Si vous êtes marseillais, vous pouvez réentendre cette émission samedi à minuit, et si vous êtes parisien, mercredi prochain à 10h. Si vous êtes avare de votre petit temps et pour trouver davantage de liens, c'est sur www.intempestive.net. Le mois prochain, ce sera l'histoire de Radio Panique. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.